Édition de juillet 2013. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des Éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Passons voir ce que Jean-Seb a préparé. Ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des Éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Aujourd'hui, je fais un petit retour sur ce qui s'est passé du côté de mes dernières écoutes chez Netophonics parce que c'est toujours le feu roulant pour eux. N'ayez crainte, je n'ai pas terminé ma tournée des réalisations d'audio québécoises. J'en ai encore quelques-unes en banque, c'est juste que, comme je dis à mon beau-père, dans la vie, il faut de la variété, c'est comme pour le bois de chauffage. Des quartiers, des rondins, puis des pour la nuit, un peu plus gros. Alors je voulais vous en passer une petite dernière justement du côté du Québec, avant de revenir à Netophonics. Il s'agit de « Les coulisses du rire », hébergé par baladoquebec.ca, réalisé par Marie Jotzette, qui a fait de l'humour sa religion. Depuis 2008, toutes les semaines, elle arpente les bars et petites salles de la métropole pour découvrir les apprentis humoristes, ces vedettes de demain. Elle les découvre, les apprécie, les admire et les gâte même parfois. Marie Jetsette anime au 102,3 FM la radio Centre-Ville que vous pouvez facilement retrouver sur les internets. Alors elle reçoit des artistes du milieu de l'humour. Humoriste, auteur, producteur, gérant, ils n'ont plus de secret pour elle. Si vous avez l'occasion de pouvoir visiter son blog, il est extrêmement bien fourni, rempli, détaillé. Ainsi, son synopsis est « Après vous avoir blogué pendant une année sur ma vie, j'ai décidé de vous offrir un nouveau blog couvrant un sujet que je connais particulièrement bien, soit l'humour québécois. » Allant voir pratiquement tous les spectacles mettant à l'avant-scène l'humour de la relève, j'ai su me tisser des liens dans le milieu, développer des amitiés, mais surtout comprendre le milieu de par l'intérieur. Certains se demanderont pourquoi je mettrai en avant-scène majoritairement l'humour de la relève. Ma réponse est bien simple, je veux faire connaître et mettre en valeur ces gens que je fréquente depuis 2 ans. Ils ne sont pas assez connus à mon goût et ils manquent de vitrines pour se faire exposer. Il faut s'attendre parfois à des surprises, des gros noms, mais je ne vous en dis pas plus, en espérant que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. Je vous en fais écouter un petit extrait. J'en regarde, je dis, mais c'est quoi? Et attends, juste pour nos auditeurs, ils imitent très bien les sœurs Roson. Ah ouais? Les sœurs Roson parlent comme ça dans la vie. Elles sont charmantes, mais elles parlent comme ça. Elles sont d'une véracité. Mais c'est comme ça, c'est ça qui m'accrochait le plus chez elles. C'est que c'est des sœurs, c'est une entreprise familiale, si tu veux. Tout le monde travaille, de la famille travaille ouais, là-dedans, toutes pratiquement. Toutes les Roson sont là. Toutes les Roson sont là. S'ils sont pas là, ils sont dans un domaine, genre dans le domaine, ou, ouais. Tu vois. Et c'est vraiment cette ambiance de, quand elle me l'a dit, j'ai trouvé ça tellement honnête que c'était désarmant. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas d'entourloupette. Elle m'a pas promis la lune. Elle m'a dit, on va faire de l'argent avec toi. Et ça veut dire, tu vas en faire aussi, man. Mais... Retournons immédiatement auprès de Netophonics. C'est l'été qui est arrivé et cela implique donc les sagas de l'été qui existent depuis plusieurs années où chacun d'entre vous, s'il est intéressé, peut soumettre un audio, une saga, d'une durée minimum de 20 minutes. Vous pouvez le faire en un bloc ou en plusieurs blocs, comme vous voulez. Ça doit être une production originale qui n'a pas paru ailleurs et qui a été réalisée entièrement de A à Z durant les 2 mois d'été. Pour plus d'informations, allez voir sur le site. Vous trouverez tous les commentaires si vous avez d'autres. Et si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Le forum est disponible à cet effet. Du côté de mes écoutes, Spatial 555, c'est une excellente saga, une très bonne histoire, très narratif, le rythme est extrêmement lent, puis il y a beaucoup de pauses, mais c'est très intéressant comme style et c'est relaxant. Ça nécessite une certaine attention due au rythme. C'est extrêmement musical, c'est très recherché, très bien agencé, très présente, assurément mixé par un technicien de couleur 3 en manque de défi. Le synopsis, c'est que l'homme doit partir coloniser d'autres planètes sur d'autres systèmes solaires, faute de quoi il est menacé d'extinction. Tôt ou tard, des catastrophes, comme une collision avec un astéroïde ou une guerre nucléaire, sont susceptibles de nous faire disparaître. Mais dès lors que nous nous disséminons dans l'espace et créons des colonies indépendantes, notre avenir sera assuré. Malheureusement, l'homme gaspille sa planète ainsi que toute son énergie dans un système stérile dont le but est l'enrichissement d'une infime minorité au détriment de la survie même de l'espèce. Seul un miracle pourrait le sauver. Ce miracle se produira dans le creuset des composantes informatiques et au sein des réseaux de communication. Je vous en fais écouter un petit extrait ici. Notez, la trame sonore est très présente et extrêmement variée tout au long des chapitres. Durant le trajet qui va du laboratoire au magasin, puis du magasin au bureau de Mouchu, Scholastic a le temps de faire tourner son imagination. Il est certain que si le capitaine lui demande de se présenter en tenue d'apparat, ce doit être pour la féliciter. Non seulement son rapport qui va confondre l'humanité décrit avec précision les recherches du professeur, mais de plus, il ne fait aucun doute qu'elle a identifié son assassin. Elle dirigera une équipe de chercheurs qui étudiera l'intelligence artificielle qui a supprimé le professeur. Skoll est radieuse, c'est pour elle un nouveau départ. Gensio Reva. Toujours super, hyper, extra, quali, capotant. On est toujours dans le cycle 1, mais épisode 5 du chapitre 2. Alors, Gensio a reçu son entraînement au chapitre 1. Maintenant, il est parti pour sa première mission de sauvetage et de récupération d'un objet qui permet de décupler ses pouvoirs et aussi sauver une équipe qui est prise avec les Maras. Et Gensio découvre qu'une énorme machination, complot, conspiration semble exister autour de toute sa vie. C'est toujours aussi super que le premier épisode. Si vous n'avez commencé à écouter Gensio, faites-le dans les plus brefs délais, je vous en supplie. C'est un chef-d'œuvre. J'ai aussi écouté Finesse Fantastique. C'est une saga du mode kite très intéressante. Mais bon, ça ressemble à toutes les autres sagas de kite. On part, on a des problèmes, bon. C'est tout de même très bien réalisé, très bien joué, c'est divertissant. Il s'agit d'une troupe qui sont à la recherche de nouvelles aventures et puis bon des petites voix, des méchants. Pour terminer aujourd'hui, la breluche dorée. La recherche de la breluche continue pour nos deux détectives privés. Il y a de nouveaux personnages qui apparaissent régulièrement pour leur plus grand bonheur. Et c'est une formule qui est très intéressante pour plusieurs personnes. Ce n'est pas très exigeant pour la majorité des acteurs puisqu'ils n'apparaissent que dans quelques répliques. Et vu la notoriété de Walter Proof, il n'a pas pu prendre tous les candidats. Par chance, il paraît qu'il y aura une suite. c'est pas le prof glutamate, moi-même, qui va se plaindre. J'adore tellement faire ce rire dans cette saga. Alors, écoutez, jetez-y une oreille attentive. Je vous en fais écouter un petit extrait. Personne ne songera à venir te chercher ici, au tout dernier étage de la Tour Eiffel. Ah bon? C'est la Tour Eiffel, ça? Yes, mon petit bonhomme. The Eiffel Tower. Le dernier étage, le glutamate penthouse. Entièrement annexé pour les besoins de mon esprit malade. Ah, oh bah c'est cool, dis donc. Ils ont les moyens quand même à la production. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Ne soyez pas gênés. jshamel99@gmail.com. Continuez à me faire parvenir vos commentaires, vos découvertes. Ça me fait un très grand plaisir. Et je retourne l'antenne à Christian. À vous, les studios! Merci Jean-Seb. En passant, toute la musique utilisée par Jean-Seb pour ses capsules provient de Kevin MacLeod à incompetech.com. Ce mois-ci, nous débutons une nouvelle histoire. Il s'agit, une fois de plus, de science-fiction. L'Estrade, agent très spécial. Il s'agit d'un audiodrama avec effets sonores et musique d'ambiance que j'ai adapté d'un de mes romans inédits. Les éditions de l'Avenir présentent L'Estrade, agent très spécial, par Christian Martin. Il parcourt toute la galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en voie du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. L'Estrade, agent spécial. Il jubile, il frémit de joie quand il voit son patron. L'Estrade, agent spécial. Le meilleur, le plus fin limier, il ramène tout la rançon. Ces vieux films buveurs de sang ne me disent absolument rien. Et comble de malheur, impossible de changer de chaîne. La dernière tempête a endommagé mon récepteur et depuis il s'entête à me présenter une seule des 212 chaînes habituellement disponibles dans cette région. La Good Old Movies. C'est à désespérer. Surtout que je suis tombé sur le mois rétrospective vampirique de la gomme. Et bien sûr, pas un réparateur en vue avant 60 jours. 60 jours condamnés à regarder la programmation de la gomme. Crash ! Aussi bien m'enfermer tout de suite à l'asile virtuel. Monsieur a sonné ? Gérard, je m'emmerde. Puis-je vous proposer une fascinante partie d'échecs rhapsodiens ? Ah Gérard, pas les échecs rhapsodiens. Rien ne m'embête autant que les échecs rhapsodiens, sinon les interminables discours du président de la République. De par la galaxie, tous considèrent Trajan comme un petit paradis pour milliardaires. Vrai, il en coûte une fortune pour y vivre, mais si on savait à quel point on s'y emmerde, l'image de marque de la planète tomberait rapidement. Évidemment, aucun commentaire de ce genre ne filtrera jamais hors planète. Ce serait la chute des prix et pas un de nos dirigeants ne le permettra. Leur politique étant de protéger, coûte que coûte, la divine économie. Vous avez un appel, monsieur, de la part de monsieur Yehed. Mon patron ? Passe-le-moi, Gérard. Bien, monsieur. Désolé de te déranger, Les. Je sais que tes congés mensuels sont sacrés, mais c'est important. Ouais, bon, ça va pour cette fois. La fille du ministre des Finances de Trajan s'est fait kidnapper en plein astroport. Quoi ? Tu veux rire ? Non, crois-moi. Le papa menace de réduire le déficit tant il ne se possède plus. Crash ! C'est grave, en effet. Plus personne ne s'est essayé à cela depuis le XXe siècle terrien. Et elle n'était pas accompagnée de gardes du corps, la fifille à son papa ? Évidemment. Mais apparemment, ils ont tous été aspergés au paralysant. Non. Quelle audace ! Et les autorités de l'astroport ? Elles n'ont rien vu. Étonnant, non ? Pas vraiment. Avec la réception présidentielle... Quelle réception présidentielle ? Tu n'es pas au courant ? C'était sur toutes les chaînes d'infos. Mon récepteur d'Holovision est en panne. Encore ? Ben oui, encore. Je ferais peut-être mieux d'envoyer l'appareil au recyclage et de me louer une compagne. Oh là là, quelle témérité ! On raconte qu'une de ses locations a tranché le membre viril d'un client à la Sisonique. Hilarant. Alors, tu m'expliques l'affaire ? Simple. Visite officielle du yogi Dil Lingan. Le yogi ? Ouais. Le chef spirituel et gouvernemental d'un petit monde du cadran moyen-oriental. Il faut avouer que les kidnappeurs ont bien monté leur coup. Toute la sécurité de l'astroport n'avait dû que pour le président... et le yogi. D'où facilité déconcertante pour l'enlèvement de la gamine. Tiens, je te faxe une holo. Voici, monsieur. Merci, Gérard. Elle s'appelle Tnarshala. Tnarshala Val. Mignonne, la petite. De grands yeux verts, des cheveux bleus lustrés et des lèvres bien pulpeuses et violettes qui font ressortir élégamment son nez tatoué. Les ravisseurs sont toujours sur la planète ? Non. Ils ont fui à bord d'un yacht qu'on aurait juré de plaisance. Et le globe ? Percé, comme une vulgaire chaussette. Crash ? Fortiche les kidnappeurs. Venir à bout du globe n'est pas simple. C'est possible. Mais pas simple du tout. Il faut avoir recours à des moyens impressionnants pour y parvenir. La nature même de cet écran de protection répulsif à l'intérieur duquel flotte Trajan le rend presque impénétrable. À qui le dis-tu ? Des soupçons ? Quant à l'identité des kidnappeurs ? Non, pas vraiment. Le ministre jure que c'est un coup du prince Abdul de Rajaran. Il paraît que la vieille Bic... qui doit bien avoir 150 ans, a déjà levé les yeux, les mains et... enfin, tu sais ce que je veux dire, sur la gamine. Ce qui lui a valu de se faire sonner les cloches, si tu me permets l'expression. Elle a du tempérament, la petite. Bref, le vieux aurait juré, une fois rétabli, de s'emparer un jour du petit trésor du ministre. Par la force, si nécessaire. Tu y crois ? Pas du tout. Je me suis renseigné... Le vieux n'est plus l'ombre de lui-même. Il couche plus souvent avec la mort qu'autre chose. On le maintient en vie pour les apparences et la stabilité politique. D'accord. On a regardé du côté des ennemis du papa ? Avec un ministre des Finances, il ne serait pas étonnant que ce soit lui qu'on visait en enlevant sa fille. On y a pensé. Il semble que notre bon ministre ait fait une généreuse récolte de mécontents tout au long de sa carrière. La liste est longue. Ça va nous prendre un moment pour débrouiller tout ça. Je te rappellerai pour te mettre au fait. L'astroport a au moins l'identité du yacht ayant servi à l'enlèvement. Je commencerai par là. Inutile. Comment ça, inutile ? Fausse identité. Quoi ? Nous avons vérifié. Les kidnappeurs ont employé le code d'identification d'un yacht... le Camelot, qui se trouve présentement à l'autre bout de la galaxie. Tu en es sûr ? Certain. Quelqu'un a reconnu un des ravisseurs ? Non. Ils portaient tous des biomasques à l'effigie de personnalités de Trajan. Décidément, bien organisés, les sagouins. Pour quand veux-tu le retour de la fille ? Avec le nombre de pistes que tu me fournis, je vais avoir besoin de temps pour toutes les vérifier. Ha ha, très drôle. J'ai tout de même quelque chose pour toi. Quoi ? Une info aussi utile que la taille des sous-vêtements de la victime ? Presque. La signature des propulseurs hyperspatiaux du yacht des ravisseurs. Parfait, ça réduit les possibilités à quelques millions de yachts. Moins que ça, mon vieux. Cette signature est propre aux propulseurs sortant d'ISUB et à nul autre. ISUB ? Une usine spatiale spécialisée dans les propulseurs hyperspatiaux. Elle tourne autour d'une planète arsenale dans le système de Nirom. Sois prudent, il faut montrer patte blanche avant de s'y présenter. Soit, je commencerai par là et te tiendrai au courant de mes progrès. Entendu. Gérard, apporte-moi mon sac de voyage, je pars en mission. Bien, monsieur. N'oublie pas de tout éteindre dans la maison avant de te placer en mode économie. Inutile de payer des frais exorbitants si je ne suis pas là pour en bénéficier. Bien, monsieur. Oh, dis ma façon de penser au réparateur de l'eau-viseur, si jamais il se pointe avant mon retour. Je n'y manquerai pas, monsieur. 60 jours avec la gomme. Astroport de Trajan. Lestrade à l'appareil. Oui, monsieur Strad. Que peut-on faire pour vous ? Préparez le coup de peau, mon aviso personnel. Tout de suite, monsieur Strad. Tout est prêt ? Oui, monsieur Strad. Très bien, merci. D'abord, passez par mes quartiers pour vérifier que tout est en ordre. Personne n'a touché au caisson de sécurité, apparemment. Il vaut mieux quand même vérifier. Tout est complet. Et le témoin de sécurité est intact. Personne n'est venu tripoter mes petites affaires. Parfait. Et maintenant, au poste de pilotage. Et maintenant que 007, patron des espions, me vienne en aide. Gus, stand by. Ce n'est pas trop tôt, depuis le temps que j'attends que tu me libères. C'est inhumain de me faire pirater comme ça. Vieux pirate, cesse un peu de geindre. Tu oublies une fois de plus que je suis le commandant du coup de peau et que tu n'es que l'ordinateur de bord. Geindre, moi ? Vous saurez, monsieur le commandant, que je ne gêne jamais, et que vous ne seriez sans doute plus là pour m'insulter si je ne vous avais pas sauvé la couenne à plus d'une reprise. Que l'ordinateur de bord, dit-il. Ha! L'ingratitude! Vous saurez, monsieur, que si vous êtes le commandant du coup de peau, moi j'en suis l'homme, non mais... Vieille fripouille, je me demande encore ce qui me retient de te débrancher. Alors, qu'est-ce que t'attends? Par la Sainte-Barbe, l'iconoclaste rêve tout éveillé. Eh, oh, ça suffit. Pourquoi te fâcher, garçon? Tu n'as jamais su converser agréablement. Tu ne changeras jamais. Allez, prépare-toi au départ, vérifie tous tes systèmes. Oula, tu n'oublies pas quelque chose? Non, je ne vois pas. Moi, par la Sainte-Barbe, tu m'oublies, moi! Ou bien n'as-tu pas l'intention de me donner corps? Garçon! C'est bon. J'enclenche le générateur holographique. Ah, oh, garçon! Comme il fait bon de se dégourdir les jambes! C'est ce que tu dis chaque fois, Gus. Parce que c'est vrai, garçon. Parce que c'est vrai. Allons. Cesse de badiner. Vérifie tous les systèmes de la viso. Comme tu voudras. Astroport de Trajan. Tour de contrôle. Ici le coup de peau. Demandons permission de décoller. Bien compris, coup de peau. Nous vous transmettons le code fréquentiel du globe énergétique. Bien reçu. Entendu. Bon voyage, coup de peau. Merci, Trajan. Tout est en ordre, garçon. Très bien. Nous allons à l'issue. En effet. Allons, garçon, que va-t-on faire là-bas? Il est plus difficile de s'y amarrer que de résister aux avances d'une belle de Cadix. Voici qui est difficilement concevable. La beauté des femmes de Cadix hante le regard de tous les astros qui y font escale. C'est parti! Nous arrivons au niveau du globe énergétique, garçon. Oui, j'ai vu. Tu as bien programmé le code fréquentiel? Évidemment, cesse de t'en faire. Tu vois? Et maintenant, en route pour Issub. Gus, nous voici arrivés dans le système de Nirom, où orbite Issub autour de sa planète Arsenal. Réduit la vitesse à une fraction de celle de la lumière. Attendu, garçon. Il vaut mieux ne pas passer trop près des tourelles de surveillance qui gardent le système. On les dit bougrement dangereuses, bourrées de canons de toutes sortes. Leur vue ne me rassure pas plus que toi, vieux pirate. Vaisseau inconnu, identifiez-vous. Ici le coup de peau, commandant Les Strad. Je vous transfère le code d'identification de mon aviso, mon code personnel, mon niveau de sécurité certifié, mes lettres de créance et mon ordre de mission. Bien reçu, coup de peau. Poursuivez jusqu'à l'usine, sans vous arrêter. Merci. Voilà qui est étrange, garçon. Pas d'arrêt, pas de fouille, pas de visite de vérificateur d'Issub. Que l'on dit pourtant paranoïaque, je me demande que ça cache. Moi aussi. Surtout au vu du nombre de navires qui ont été arraisonnés. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas normal. En tout cas, ils ne sont pas du tout contents, les citoyens. Plusieurs réclament la peau des fesses du directeur de l'usine. Ah, voilà Issub. Eh bien, garçon, pour un comprimé, c'est tout un comprimé. Un comprimé de 10 km de rayon, oui. Tu as vu ? En périphérie de la surface supérieure, des griffes se dressent perpendiculairement, équidistantes l'une de l'autre. Ces griffes sont en fait des docks de chargement et d'embarquement. Regarde, une des griffes retient un énorme cargo. Impressionnant. Nous ne sommes plus qu'à 5 km de l'objectif, garçon. Coup de peau, coupez tout. Nous vous prenons en charge. Compris. Nous sommes arrivés, garçon. Très bien. Je vais chercher l'information dont j'ai besoin et je reviens. Ça ne me prendra pas plus d'un quart d'heure. J'en doute. Je t'assure. En m'attendant, garde le fort. Ouais. Le temps de récupérer dans mes quartiers le disque de données que m'a fait parvenir Brun. Et un sac rempli de quelques outils et instruments indispensables dans le caisson de sécurité. Qu'est-ce que... Oh, Monsieur Strade, dans mes bras. Et... Je suis si heureux de vous voir. Si heureux, si heureux. Si vous saviez comme je suis heureux. Ça, je le vois bien, mais quand même. Venez. C'est épouvantable. À qui le dites-vous? Je n'ai jamais été embrassé par un homme auparavant. Heureusement, vous avez fait vite. Vous m'attendiez donc? Évidemment, avec le vol des plans. Le vol des plans? Vous n'êtes pas ici pour le vol des plans? Mais bien sûr, mon cher, le vol des plans, bien sûr, pardonnez cette petite comédie. Souci de sécurité, vous comprenez. Au fait, vous n'avez pas lu mon ordre de mission? Non, j'étais trop heureux et soulagé de votre arrivée pour m'y attarder. À propos, à qui ai-je l'honneur? Vous ne le savez pas? Je suis un excellent agent, mais je ne sais pas encore lire dans les esprits. Désolé, puisque j'avais personnellement signé et envoyé mon rapport, je croyais... Je ne suis pas affecté à la réception des rapports, mon cher. Oh, évidemment. Où avais-je la tête? Je suis Eric Mercart, le directeur d'Issub. Enchanté, monsieur le directeur. Moi de même. Nous allons devoir porter des protecteurs auditifs. Curieux qu'avec tous les miracles de la technologie, il n'ait pas encore trouvé moyen de fabriquer des machines silencieuses. Tenez, il faut aussi enfiler une combinaison stérilisée. Une combinaison stérilisée dans une usine? Toutes les opérations de fabrication à Issub doivent être accomplies en milieu stérile. Curieux, le protecteur auditif. On dirait un casque spatial. Voyons un peu. Il s'agit bien d'un casque spatial. Toutefois, on l'a modifié. À première vue, on a arraché tout le circuit de prise du son ambiant, microphone inclus, et on a ajouté une couche d'un produit qui doit l'insonoriser complètement. Bouclez-le bien avant que je n'ouvre les portes. Montez à bord de la voiturette, mon cher. À l'arrière, s'il vous plaît. Vous y êtes? Oui. Alors, allons-y. Et si vous me racontiez un peu maintenant ce qui s'est passé? Comment vous êtes-vous aperçu de la disparition des plans? La disparition des plans? Mes plans, je les avais presque oubliés. Il me faut vous dire qu'il m'arrive de souffrir d'insomnie. Pour y remédier, je fais un casse-croûte où je vais me balader dans l'usine. Misère, ça commence bien. Il aurait tout aussi bien pu débuter avec son enfance, tant qu'à y être. On n'y voit pas grand monde la nuit. En fait, on n'y voit jamais grand monde. Nous ne sommes que quatre à travailler à Issub. Deux ingénieurs, un technicien et moi. C'est-à-dire qu'on ne se marche pas sur les pieds. Bref, ne pouvant dormir, je faisais une promenade lorsque j'ai repéré du coin de l'œil un mouvement suspect. Comprenez-moi, à cette heure-là, à cet endroit, il n'y aurait pas dû y avoir le moindre mouvement. Je me suis approché sur la pointe des pieds et j'ai découvert un petit insecte. Un droïde, assurément. Il cherchait à pénétrer dans la section ultra-secrète de l'usine, là où l'on conserve les plans de nos propulseurs. Ne me demandez pas comment il était venu là. Sans doute l'équipage d'un cargo amarré à l'usine dans la journée, ou même lors des jours précédents, l'avait introduit subrepticement. Lorsque je m'en suis approché et que j'ai voulu la saisir, la libellule mécanique s'est enfuie à tire-d'aile. J'étais sur le point de la poursuivre, mais la perdant vite de vue, je suis revenu sur mes pas pour vérifier les dégâts qu'elle avait pu causer dans la section ultra-secrète. J'ai constaté alors qu'une série de codes de protection de la mémoire chargés des plans top secret d'Issub avait été déchiffrés. Assurément, l'ESSEC n'en était pas sa première infraction. Vos conclusions, monsieur? Je suis personnellement convaincu que le petit droïde a pu télécharger des fichiers ultra secrets. Bel esprit inventif. L'espionnage industriel est affaire courante. Plusieurs s'y essaient, mais de nos jours, les espions tentent de percer virtuellement les protections par ordinateur interposé. Peine perdue, évidemment. Les dites protections ayant justement été conçues pour contrer ce genre de piratage. Il faut avoir une bonne connaissance de l'histoire des hommes et des machines et ne pas craindre d'employer des moyens qui paraissent dépassés depuis 200 ans pour faire appel à un petit droïde. Je ne suis pas ici pour ça, mais il vaut sans doute la peine d'essayer de découvrir qui est cet original. Ne serait-ce que pour pouvoir le tenir à l'œil et le ficher. Monsieur, vous pouvez me conduire à l'endroit où vous avez vu la libellule ? C'est que... cet endroit est le plus secret de l'usine. Je détiens un niveau de sécurité suffisant pour y pénétrer, vous savez. Très bien. Nous y sommes. Comme vous pouvez le constater, toute la section ultra secrète est protégée par un champ de force. Permettez-moi, monsieur, avant de l'abolir, j'aimerais l'examiner à l'aide de mon détecteur d'uniformité énergétique. Mais faites, mon cher, faites. C'est bien ce que je craignais. Y a-t-il ? Voyez, il y a un petit trou d'un centimètre de diamètre dans la muraille invisible. Le droïde s'est forcé un passage. C'est sans doute cette issue qu'il cherchait quand vous l'avez surpris. Oh, misère ! Allons, monsieur le directeur. Coupez le champ de force que nous puissions pénétrer dans le sein des saints. C'est fait. Décevant, ce sein des saints. Il se résume à une seule salle peinte en blanc et presque vide. Au centre, une console surmontée d'un grand écran holographique, à même la console. Pas un, mais trois identificateurs, un vocal, un rétinien et un génétique. Nous pouvons retirer nos protecteurs auditifs ici. Nous sommes à l'abri. Vous permettez que je vérifie votre système, monsieur le directeur ? Si vous y tenez. Vous devez d'abord passer le test des trois identificateurs. En effet. Voilà qui est fait. Voyons un peu ce système. Malheureusement, monsieur le directeur, vous aviez raison. Le droïde a effectivement téléchargé deux documents ultra secrets. Lesquels ? Le 212-BRSS-447-S3 et le 369-TRIS-665-Q2. Non ! Les éditions de l'avenir vous ont présenté le premier épisode de l'estrade agent très spécial de Christian Martin, le droïde espion, avec Christophe dans le rôle de l'estrade, Kael dans le rôle de Gérard, Fred dans le rôle de Brunierhead, Mario Fecto dans le rôle du responsable de l'astroport de Trajan, Kael dans le rôle de Gus, Gabriel Jean dans le rôle du responsable de la sécurité d'Issub et Kael dans le rôle du directeur d'Issub. Dans le prochain épisode, Les parviendra-t-il à retrouver le petit droïde et à obtenir du directeur les informations dont il a besoin pour suivre la trace des kidnappeurs de la fille du ministre des Finances de Trajan? Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'aveniraudio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des Éditions de l'Avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt. Et voilà pour le premier épisode de l'Estrade agent très spécial. Mentionnons enfin que le roman fut développé d'une nouvelle que vous retrouverez dans un recueil gratuitement disponible en e-book sur Feedbooks à fr.feedbooks.com/userbook/22046/les-aventures-de-les-strad-agent-très-spécial. On peut trouver cette aventure hors podcast à lestrade.canalblog.com ainsi que sur audiocité.net. J'ai le plaisir de vous présenter une entrevue réalisée avec Ezwa. Jeune femme des plus sympathiques, très généreuse de son temps et de son talent, une dame de cœur sans qui plus d'une production des Éditions de l'Avenir aurait souffert. Pour ceux et celles qui nous suivent, vous ne manquerez pas de reconnaître sa voix. Bonjour Ezwa. Bonjour Christian. Si tu permets, je vais commencer avec ton nom. Je sais déjà que Ezwa est un pseudo. Il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi d'évoluer sur le net avec un pseudo? Oui, j'ai choisi d'évoluer sur le net sous un pseudo, tout simplement parce que ça me permet de garder ma vie privée en quelque sorte. Donc les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours, ou que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui connaissent mon nom, qui voudraient faire une recherche sur internet, ben a priori ils ne trouveront pas, ou très très difficilement, les hobbies que j'ai, du fait qu'ils ne connaissent pas le pseudo que j'utilise sur internet. Et puis les personnes à qui je désire faire part des hobbies que j'ai, ben alors je leur donne mon pseudo et puis ils peuvent voir ce que je fais, ici ou là. D'où vient ce nom d'Ezwa? Le nom de Ezwa est en fait l'un de mes prénoms, c'est aussi le nom d'un de mes aïeux, donc c'est un nom qui vient de mes origines en fait. Je crois bien que je ne révélerai aucun secret en mentionnant que tu vis en Belgique, puisque tu le précises toi-même dans certains de tes enregistrements pour LibriVox. Tu y vis par choix ou simplement c'est l'endroit où tu as grandi, où la vie t'a conduite? Oui, je vis en Belgique. J'y vis un petit peu pour toutes ces raisons-là, j'imagine. Donc la vie m'y a ramené, donc je suis à moitié belge d'origine. J'y ai vécu la plus grande partie de mon existence. Donc c'est un pays que j'apprécie, dans lequel il fait bon vivre, j'ai pas de raison de vouloir le quitter, ou il n'y a pas d'autres pays qui m'attirent particulièrement, donc j'y reste par choix aussi. Tu as été très active chez LibriVox. C'est d'ailleurs là que j'ai été entendue pour la première fois. L'es-tu toujours autant? Non, je suis beaucoup moins active sur LibriVox maintenant que je ne l'étais dans le passé. Dans le passé, je pense, enfin quand j'ai commencé en tout cas, j'y étais au moins matin et soir, si pas à midi. Et puis j'enregistrais pratiquement tous les soirs. Maintenant, depuis déjà quelques années, j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer et je prends moins le temps aussi. Mais donc, pour le moment, il y a d'autres priorités, des choses qu'il faut que je termine pour pouvoir revenir un petit peu plus régulièrement, être un petit peu plus active que je ne l'ai été ces derniers temps, mais probablement moins que je ne l'ai été au tout début. Quelles sont tes diverses fonctions chez LibriVox? Et laquelle préfères-tu? Alors mes diverses fonctions sur LibriVox, c'est la première, c'est celle de lectrice, c'est celle qui m'a amenée à LibriVox et c'est celle que je préfère. Donc j'aime beaucoup lire à voix haute et donc c'est l'occasion de le faire et d'en faire éventuellement profiter d'autres s'il y en a d'autres qui m'écoutent. J'ai le rôle de métacoordinatrice, donc ça ce sont les gens qui gèrent la base de données des différents projets et puis qui mettent les projets dans le catalogue de LibriVox une fois qu'ils sont terminés, pour les rendre disponibles à tout le monde et n'importe qui, soit au téléchargement, soit en streaming. Je suis coordinatrice de projets, donc ça ce sont des projets en solo ou des projets collectifs, et puis je suis auditrice pour l'un ou l'autre projet aussi, soit des personnes qui lisent une œuvre, ou l'autre en solo, soit des projets collectifs, comme la compilation de poèmes, par exemple. Préfères-tu des projets solo ou collectifs? Alors, entre les projets solo et les projets collectifs, je préfère de loin les projets solo. Enfin, en tant qu'électrice, hein. Je préfère les projets solo tout simplement parce que généralement ce sont des œuvres que j'aime, que j'ai envie de lire du début jusqu'à la fin, et j'ai envie de les lire à ma façon. Donc le faire en solo, ça permet de le faire. Les projets collectifs ont leur intérêt, ont leur attrait aussi. Bon, s'il y a une œuvre que je n'aime pas particulièrement, mais je me dis « Ah tiens, elle est intéressante », ça permet de ne devoir lire que quelques chapitres, et ça permet à d'autres de lire l'un ou l'autre chapitre aussi, donc c'est moins ardu en quelque sorte, et puis ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire en solo aussi. Mais en tant que lectrice, je préfère quand même les projets en solo. Quelle est l'œuvre dont tu es la plus fière d'avoir enregistrée pour LibriVox? Alors l'œuvre dont je suis la plus fière sur LibriVox, je pense que c'est Monsieur Lecoq. C'est un roman qui est absolument passionnant. Je pense pas m'être ennuyée du tout en lisant, même si ça m'a pris un temps fou. L'histoire est passionnante et je suis très satisfaite du résultat. Je pense qu'il n'y a rien ou pratiquement rien que j'y changerais, même si c'est certainement pas parfait. Mais je suis très contente du résultat et j'en suis plutôt fière de cette œuvre-là, donc Monsieur Lecoq. Laquelle t'a donné le plus de plaisir ? L'œuvre qui m'a donné le plus de plaisir à lire, je pense que c'est Tartarin de Tarascon. C'est une histoire que j'ai trouvée très drôle. Les chapitres étaient assez courts, donc c'était pas trop laborieux à lire. Enfin, moi j'ai l'air de répéter beaucoup, donc pour éditer les enregistrements, je réécoute tout depuis le début jusqu'à la fin, et donc bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais là, avec des chapitres assez courts, ben, je tends à faire un petit peu moins d'erreurs. Donc c'est, oui, Tartarin de Tarascon, je pense que c'est une histoire qui m'a fait rire et que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Et laquelle t'a donné le plus de mal ? L'histoire qui m'a donné le plus de mal, le roman qui m'a donné le plus de mal, enfin, des œuvres dont je me souviens, parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai enregistré, c'est La femme de 30 ans, je pense. C'est une œuvre de Balzac elle n'est pas particulièrement longue, mais je l'ai trouvée fort laborieuse, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, ça m'a pris un temps fou à lire. Je crois que j'ai fait énormément d'erreurs et donc il fallait y revenir pour l'édition, etc. Et j'ai été découragée à plusieurs moments, je me suis demandé si j'allais pas arrêter. Je suis quand même arrivée au bout, donc je suis contente d'avoir été jusqu'au bout. Mais si c'était à refaire, je pense que je ne le referais pas, celle-là. As-tu des projets en cours pour LibriVox ? Oui, pour le moment, j'ai deux projets en cours, enfin en solo, hein, en dehors des projets collectifs. Donc il y a le Pentateuque, traduit par John Nelson Darby. Donc c'est les 5 premiers livres de la Bible. Et puis l'histoire d'un casse-noisette, un roman d'Alexandre Dumas. C'est un conte pour enfants, mais c'est comique, c'est une chouette histoire. Tu peux nous rappeler l'adresse de LibriVox, s'il te plaît ? L'adresse de LibriVox est librivox.org. Donc LibriVox, comme ça se dit, .org. Il nous arrive de fréquenter les mêmes sites. On travaille un petit peu dans le même domaine pour les hobbies, alors... C'est un petit peu normal. Mais j'ai été surpris de voir ton nom sur Public Domain Sounds. D'où t'es venue l'idée de contribuer à cette banque d'effets sonores? Alors l'idée de contribuer à ce site-là, en fait, m'est venue parce que c'est un site qui a été fondé par quelqu'un qui était volontaire sur LibriVox quand j'ai commencé là-bas. C'est quelqu'un qui voulait faire un site qui soit similaire à LibriVox, mais dans le domaine des sons, simplement. Et donc, comme fortuitement dans les enregistrements, il y avait parfois des sons qui étaient enregistrés, c'était assez facile de les reprendre et puis simplement d'aller les poster sur Public Domain Sounds. Où trouves-tu les sons ? Alors, les sons que j'ai fournis sur ce site, c'est soit, comme je le disais, sur des enregistrements, enfin en cours d'enregistrement, un son, un rire ou autre chose qui était enregistré fortuitement, soit des bruits de la vie de tous les jours. Je me disais, ah tiens, c'est un son qui est intéressant, ce serait chouette de le rajouter sur Public Domain Sounds, et donc je l'enregistrais et puis je le rajoutais. Et l'adresse de Public Domain Sounds est... Alors l'adresse de Public Domain Sounds, je pense, mais ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas été, que c'est pdsounds, donc pdsounds.org. Attends voir. Oui, je confirme. Tu t'adonnes également à la photo, me semble, non ? Je sais pas si je dirais que je m'adonne à la photo, mais j'aime bien faire des photos, oui. Qu'est-ce qui t'attire dans cette activité ? Alors, ce qui m'attire dans cette activité, je sais pas vraiment, en fait. je crois que c'est simplement quand je vois des choses, parfois je me dis « Oh tiens, ça ferait une belle photo » ou « Oh tiens, ça ferait une photo intéressante » ou « Je me demande l'effet que ça donnerait en photo » et donc je prends la photo. Donc j'imagine qu'il y a la beauté des choses et puis la, des choses un petit peu plus intrigantes aussi qui m'intéressent. Où peut-on trouver tes photos sur le web ? Alors mes photos, je les mets sur Flickr, donc c'est sous mon pseudo Ezwa que je les y place. J'ai eu le plaisir de travailler avec toi sur plusieurs projets audio au cours des ans, tant chez LibriVox qu'aux éditions de l'Avenir. Et encore, dans le projet en cours, au moment de l'enregistrement de cette entrevue, tu as accepté de reprendre le rôle de l'émir dans les aventures de Massas Pavel. D'abord, merci. De rien. Comment as-tu abordé ce retour dans la peau du mulot castor Zézéan après tout ce temps depuis Massas 3? Ça a été difficile? Le retour n'a pas été difficile, non, même si il a fallu quelques minutes avant que je réalise que je ne zézéyais pas et que le mulot castor, lui, l'émir, zézéyait. Donc j'ai dû reprendre depuis le début, mais sinon c'est pas quelque chose que j'ai trouvé difficile. L'émir semble jouer un rôle de plus en plus important dans le cadre des aventures de Massas. Tu vois ça comment, toi? L'importance du rôle de l'émir, ben je le vois comme plus de temps à passer à l'enregistrer en fait. Mais en dehors de ça, ben enfin c'est toujours avec plaisir que je le fais, donc un peu plus de plaisir on va dire. Comment estimes-tu en général ton expérience au cœur des éditions de l'avenir ? Mon expérience avec les éditions de l'avenir, ben est plutôt positive dans l'ensemble. Ça permet de faire des choses que je n'aurais pas faites autrement, et puis de découvrir des œuvres que je n'aurais probablement pas lues ou pas cherchées. Si on ne me les avait pas proposés ou présentés. Tu as d'autres projets en préparation chez l'avenir ? Alors oui, il y a encore un projet qui est en préparation, depuis bien longtemps d'ailleurs, et il faudrait que je t'envoie des enregistrements. Mais donc, les Chroniques de la Nouvelle-France, où je lis un des personnages... enfin, où je suis censé lire l'un des personnages, il faudrait que je m'y remette. Ouais, oh, on est toujours en stand-by sur ce projet. Je crois que Gabriel m'a dit avoir enregistré sa partie, mais il manque de temps pour tout nettoyer et éditer. Alors. Et puis, je ne suis pas très avancé non plus. Alors, t'as le temps. T'adonnes-tu à d'autres activités artistiques? Si on peut le compter comme une activité artistique, j'aime énormément tricoter. J'ai jamais tricoté grand-chose, enfin j'ai jamais tricoté de grands projets, des pulls ou des choses comme ça. Je me contente de bonnets, d'écharpes et de châles, mais j'aime bien les points, la dentelle qu'on peut faire et la beauté du résultat. Et puis le fait que c'est utile aussi, donc que ça peut nous tenir bien au chaud en hiver ou bien pendant la mi-saison. Es-tu présente sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, je ne suis présente que sur Facebook et encore, j'y fais pas grand-chose. Mais donc là, c'est pas sous mon pseudo, c'est sous mon vrai nom. Oui, mais en dehors de ça, non. Merci, Ezwa, pour cette entrevue. De rien. C'était avec plaisir. À bientôt. Bye. Merci encore, Ezwa. Dans le cadre des nouveautés audio hebdomadaires des éditions de l'Avenir, fut mis en ligne, le premier jeudi de juin, le 12e épisode du PC Show avec Paul Courtemèche, dans lequel Paul doit affronter une fuite d'eau dans sa cuisine. Compagnie, comment allez-vous? Moi, j'ai une pêche d'enfer! Alors, mon Polo, tu as organisé un petit party? Tu ne m'avais pas invité? C'est vilain, ça! Où sont les chips? Dans la cuisine. Il y a des chips? Je soupçonne notre très cher monsieur de Badinet. Tu sais, j'ai trouvé les chips. Je pensais que tu n'avais pas de chips! Mon Polo, ça me fait de la peine de te dire ça, mais quelqu'un a ruiné ta cuisine! Non! Si! Et plus grave encore, il s'est sauvé avec les chips! Boswell! J'aurais aimé ça des chips, moi! Allez, cesse de niaiser et raconte! Simple. Fuite sous l'évier, de l'eau partout dans la cuisine. Les semaines suivantes furent meublées par les premiers chapitres de la cinquième aventure de Massas Pavel, Le danger surgit du passé. 2 janvier 2361, quelque part dans le cosmos. C'est où nous sommes? Je n'en ai pas la moindre idée. À vrai dire, cela n'a guère d'importance. Nous pourrons tout faire le point lorsque nous aurons réintégré le continuum einsteinien. Ce qui m'inquiète plus, c'est que nous avons vraisemblablement été pistés au cours de notre vol dans l'entre-espace et que nous risquons de trouver des complices du surmutant qui nous attendent lorsque nous en ressortirons. Dans ce cas, nous serions mal. C'est exact.